Comment la Perse est devenue l'Iran ? Invité le 7 avril 2018 à l'émission « On n'est pas couché », diffusée sur France 2, Bernard-Henri Lévy avait informé les téléspectateurs qu'il avait découvert une histoire incroyable que très peu de gens connaissaient. Le 21 mars 1935, la Perse avait décidé de changer de nom et de s'appeler l'Iran, sur ordre de l'Allemagne nazie. Étonné, plusieurs spécialistes du sujet se sont sentis obligés de faire une mise au point dans divers organes de presse. Parmi eux, Yann Richard, auteur du livre « L'Iran de 1800 à nos jours » que j'indique en référence sur notre site, a rappelé que l'Iran n'avait jamais changé de nom car les Iraniens l'employaient depuis longtemps pour désigner leur pays. Au XIXe siècle, sur les entêtes des correspondances officielles diplomatiques, on trouvait déjà la formule « Légation d'Iran à Paris » et non « Légation de Perse à Paris ». Il est vrai que le 21 mars 1935, le Shah Reza, qui avait pris le pouvoir en 1921, a annoncé officiellement au monde que son royaume devait être officiellement appelé dorénavant Iran et non plus Perse. Le nouveau chef de l'État, qui avait pensé instaurer d'abord une république avant de restaurer une nouvelle dynastie impériale, les Pahlavis, fut certes impressionné par les succès de l'Allemagne hitlérienne au cours des années 30. Sans doute que la propagande nazie valorisant les Aryens exerça une influence sur des élites iraniennes qui mettaient elles aussi en avant leur origine aryenne. Néanmoins, il n'y avait aucun lien entre l'arianité des nazis et celle des Iraniens. Et sur le plan politique, il n'y eut aucun réel rapprochement entre les deux pays. En réalité, le pouvoir iranien cherchait surtout à s'émanciper de la tutelle des Occidentaux. À partir du XIXe siècle, sous la pression de la Grande-Bretagne et de la Russie, l'Iran avait dû céder des territoires et accepter la domination commerciale des Européens. Le coup d'État du général Reza Khan en 1921 fut motivé par la volonté de lutter contre ce déclin. Sur le plan économique, il développa le chemin de fer et favorisa l'industrie. Il créa de nouvelles institutions sur un modèle européen, illustré par la mise en place des universités. Il tenta aussi de modifier les coutumes en contraignant les hommes à s'habiller à la mode occidentale et en interdisant aux femmes de se voiler. Dans le même temps, l'Iran chercha à s'émanciper de la tutelle britannique ou russe en tissant des liens avec d'autres pays, dont l'Allemagne. Le changement de nom avait pour objectif principal de rompre avec l'image de la Perse qui dominait chez les Occidentaux depuis l'Antiquité, associée au tapis, à la poésie, à la littérature et à l'exotisme. Si Reza Shah imposa aux chancelleries étrangères de ne plus appeler son pays la Perse mais l'Iran, un nom qui n'était guère utilisé en Occident que par les géographes, c'était à la fois pour qu'ils acceptent une appellation que le peuple iranien utilisait depuis longtemps, mais aussi pour officialiser l'avènement d'un pays moderne, producteur de pétrole, industrialisé et ouvert sur le monde. On aura beau chercher, on ne trouvera donc nulle part un quelconque diktat de l'Allemagne nazie auquel les Perses auraient cédé pour accepter de devenir des Iraniens.